Elle progresse timidement, mais les espoirs qu'elle suscite sont immenses. L'ASLECAF, la zone économique de libre-échange africaine, est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Un objectif ambitieux avec la suppression de 90% des droits de douane et la libre circulation des personnes. L'ASLECAF doit stimuler le commerce intra-africain et proposer une alternative aux échanges nord-sud, un axe dominant. L'ASLECAF, un rêve panafricain, peut-elle être un outil d'émancipation pour l'Afrique? On en débat tout de suite avec nos invités. On se connecte avec vous, François Dingoué. Bonjour, vous êtes chairman à l'African Advisory Board. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT en français. Merci beaucoup, Madame Samata. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre invitation et bonjour aux téléspectateurs de Africa Connect. Bonjour également à vous, Ivekwe Amezo. Docteur Amezo, vous êtes économiste, directeur du think tank Afrocentricity.info. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à mon co-débatteur, François Nengue, et puis à tous les téléspectateurs. Alors d'abord, un quid de la zone économique de libre-échange africaine qui regroupe plus d'une quarantaine de pays africains avec deux notions. Il y a cette notion de zone économique et puis cette notion de libre-échange, donc un environnement propice au développement d'une part et puis la levée des barrières douanières d'autre part. Sur le papier, tout cela c'est magnifique, mais dans la réalité, cela signifie quoi, docteur Amezo? Vous savez, la notion de zone de libre-échange, avant même d'en parler, il faut peut-être revenir aux chefs d'État. Les chefs d'État africains sont des gens qui aiment, dans leur programme 2063, voir l'Afrique d'aujourd'hui déjà en 2063. C'est-à-dire qu'ils ont une vision qui est excellente, hein, comme vous l'avez décrit. Malheureusement, les modalités pour y arriver posent beaucoup de problèmes. Et donc, on va reprendre peut-être tous ces différents points, mais le plus important pour moi, un commerce africain commence par un commerce intra-africain, qui est d'ailleurs l'objectif recherché. Malheureusement, le niveau en pourcentage reste relativement faible. L'ouverture, par exemple, des frontières, des douanes, tout un système qui va avec, on en parlera tout à l'heure, ne sont pas encore au point. Autrement dit, les chefs d'État mettent la charrue avant les bœufs, ce qui explique d'abord la lenteur, voire même dans certains cas, tout simplement le recul. Et indirectement, ils ont l'impression qu'ils fonctionnent dans un vase clos alors qu'on est dans un système mondialisé. C'est-à-dire qu'en fait, en mettant effectivement cette zone de libre-échange à disposition, et comme ils produisent très peu en termes d'industrie, de manufacture, de transformation de produits africains pour les Africains, alors ils risquent de se faire envahir par des produits venant de l'extérieur et ne pourront pas soutenir la compétition. Il a raison, François Dingoué, ce projet, il est trop ambitieux. C'est un projet, finalement, qui a été élaboré à huis clos entre des chefs d'État africains. Le docteur Amaïzo a raison. Le projet est ambitieux. Ambitieux ne veut pas dire qu'il n'est pas réalisable. Le projet est réalisable et il faut situer tout cela dans un contexte. Pour une fois, les chefs d'État africains ont vu juste, du moins pour ce qui concerne cette zone de libre-échange continentale. Mais souvenez-vous, tout cela vient de loin. Il faut donner quelques repères historiques. Vous vous rappelez que après les débâcles et les désordres occasionnés en Afrique par les programmes d'ajustement structurel dans les années 90, il y a eu comme un ressaisissement des Africains qui les chefs d'État africains se sont réunis à Abuja en 1991 et ont adopté ce qu'on appelait le traité d'Abuja. Ce traité d'Abuja, ça date de 1991, c'est-à-dire que ça fait 32 ans, et ils ont institué dans ce traité ce qu'on appelait la zone, le marché unique africain. Et donc, dans cette perspective, il y avait la perspective de faire de l'Afrique un seul compte, un grand marché, y compris avec une monnaie unique. Et j'insiste là-dessus. Cela date donc depuis 32 ans. Et c'est entré en force en mai 1994. Donc, vous voyez que normalement, depuis 29 ans, le problème devrait être réglé. Et cela s'est même renforcé plus tard par un sommet des chefs d'État africains qui a eu lieu à Lomé au Togo en juillet 2000. Nous allons bientôt fêter exactement son 23e anniversaire, où sous la signature de plus de 50 chefs d'État africains, il y avait l'adoption de ce qu'on a appelé les actes constitutifs de l'Union africaine, et dont l'article 19, si je me rappelle bien, crée la Banque centrale africaine. Donc, vous voyez que sur le papier, tout est très, très bien. Tout est très, très bien et tout devrait se passer normalement. Et la réalisation, la création de la ZLECA était une bonne chose. Mais nous reviendrons dessus. L'exécution est tardive et surtout, l'exécution ne tient pas compte du changement crucial qui est en train de se produire dans le monde, dans la géopolitique et dans l'économie internationale, qui est la montée des BRICS et la chute progressive des pays dits de l'Ouest. Cela crée un univers totalement différent. Vous voyez que même les BRICS parlent d'une monnaie unique, mais je pourrais développer plus tard. Alors justement, François, puisque vous dites que l'exécution elle est tardive, docteur Amézio, c'est vrai qu'initialement, ce marché devait être effectif dès le 1er juillet 2020, mais Covid oblige, ce calendrier a donc été repoussé. Où est-ce qu'on en est concrètement? Alors, vous savez, c'était initié en 2012 et rentré en vigueur en 2021. Donc déjà, le temps de réaction, on peut se poser des questions. Mais l'objectif, c'était le commerce intra-africain en créant un marché commun et quelque part sortir de la réalité des économies extraverties africaines où l'Afrique, en gros, n'est qu'une pourvoyeuse de matières premières sans des créations d'emplois décents pour les Africains. Alors, le problème de tout ceci, où est-ce que l'on est? On en est que dans le dernier sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en février 2023, donc il n'y a pas si longtemps que cela, c'était là l'ordre du jour. Vous savez, le président comorien, qui est le président en exercice actuellement, M. Azali Assoumani, il en est très conscient. Sauf qu'il a rajouté qu'il ne faudrait pas que cette initiative, cette zone de libre-échange, rejoigne la longue liste des occasions malheureusement manquées. Donc, certains chefs d'État sont bien au courant. Si on part toujours des institutions, M. Moussa Faki, qui est le président de la Commission de l'Union africaine, lui, il était plus direct, hein. Il a dit qu'il y a un manque de volonté politique des chefs d'État et qu'en gros, le commerce intra-africain, il tourne autour de 9 à 16%, en tout cas moins de 20% du total des échanges africains. Donc, ils sont très bien conscients de ce qui se passe. Mais la réalité, c'est qu'en fait, et ça, c'est ma position, c'est qu'il faut que ces chefs d'État, ces dirigeants africains, ils optent sans hypocrisie pour une levée partielle et graduelle des droits de douane. Je vous donnerai quelques exemples de ce qu'ils sont en train de faire. Et s'ils veulent une zone de libre-échange efficace, je dis bien efficace, on est obligé, et M. Nengue l'a dit tout à l'heure, d'avoir un système panafricain de paiement et de règlement basé sur un panier de monnaie. Et en plus, avec la capacité de sanction des Occidentaux, et notamment des États-Unis à travers le SWIFT, il faudra un circuit de transactions financières sécurisé. On en est très loin actuellement en Afrique. Il faut rajouter à cela ce que j'appelle la performance logistique. Vous citiez des exemples, il y a peut-être cet exemple-là, sept pays africains qui ont débuté des échanges dans le cadre de l'initiative sur le commerce guidé. Il y a le Ghana, le Cameroun, le Rwanda, le Kenya, Maurice, l'Égypte et la Tanzanie, et ça concerne 96 produits. Il s'agit d'un test, docteur Amézio. Est-ce que ce genre d'initiative, finalement, vous pensez que c'est pas encore à l'échelle continentale, mais c'est de nature à faire avancer les choses, vous croyez? Toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Sauf que vous avez oublié l'essentiel de tout ce que vous venez de dire. Qu'est-ce qu'il y a dans cette initiative? Moi, ce que j'ai pu comprendre, je n'ai pas entendu parler des produits qui nous intéressent, qui permettent d'augmenter la productivité. L'intelligence artificielle, la technologie du Black Belt, la robotique, tous ces éléments qui permettent d'améliorer la productivité de l'industrie et de la transformation en Afrique, sur le sol africain, pour les Africains. Par contre, vous allez entendre beaucoup de produits dont la teneur en technologie reste extrêmement faible. On parle de carreaux de céramique, on parle de climatiseurs, on parle de petites choses, du thé, du sucre, des matières premières, C'est pas avec ça que vous allez combattre d'abord de manière plus globale ce qui se passe dans le cadre du BRICS et plus largement globalement, mais aussi au niveau de l'Afrique. François Dengoué, il s'agit de booster de l'emploi, d'attirer les investisseurs, de permettre aux pays africains même, on le dit, de s'émanciper de l'exploitation des matières premières. Est-ce que c'est le remède miracle, cette ZLECAF, finalement, qui va permettre de sortir de cette dépendance aux ressources naturelles et de diversifier les économies africaines ? Il n'y a jamais de, en économie, il n'y a jamais de remède miracle. Il y a des essais, on échoue, on avance, on recule et on tire des leçons. Et c'est comme ça que à tâtons, c'est un peu l'économie, c'est un art et c'est aussi, il y a une partie science bien sûr, mais aussi de l'art. Et donc on a affaire à des, il faut surtout expérimenter avec, en ayant en tête que l'emploi est important. Nous devons, il n'y a pas de remède miracle donc, mais nous avons là avec la ZLECA un très très bon outil. Même si nous le critiquons, nous ne devons pas l'abîmer. Et en disant cela, c'est de mon point de vue, c'est la meilleure réalisation que l'Union africaine ait pu faire depuis sa création, je dois le dire. Et cela a été fait assez rapidement. Et nous devons rendre hommage ici au président Youssoufou du Niger, qui en était la cheville ouvrière. Vous savez que cela, on a signé l'acte de cela le 21 mars 2018 à Kigali. Et malgré le Covid, ça a pu quand même se réaliser. Mais pour moi, ce qui est important, et je l'ai dit même quand, parce que j'avais assisté à la séance de signature lors du sommet de Kigali, moi j'avais toujours dit qu'il y a des choses importantes que nous, malheureusement nos chefs d'État ne prennent pas en compte. La première chose, c'est qu'il faut avoir le sentiment de l'urgence. J'ai l'impression que chez nous, on n'a pas le sentiment de l'urgence. Et vous voyez que vous pouvez prendre des mesures, ça fait 32 ans, et on fait comme si de rien n'était, alors que le monde autour de nous bouge à la vitesse de la lumière. Et avec ce changement brutal du BRICS, de l'immixtion brutale du BRICS, et sa montée en puissance qui va s'accélérer avec le sommet de BRICS en août prochain en Afrique du Sud, nous avons un monde complètement différent. Nous avons un monde qu'on n'a jamais vu depuis quasiment 200 ans. Alors, les dirigeants africains, ils restent les deux, que le monde a changé, le monde qui se dirige vers plus de multipolarité, justement, et vous évoquiez l'absence de volonté politique pour mettre en place ces ZLECAF. À quel niveau, docteur Amaizo? Alors, il y a plusieurs niveaux. Moi, sincèrement, vous savez, il faut être pragmatique. Il s'agit d'échanger des biens, des services, du capital, parce qu'il faut bien de l'argent, et les humains doivent circuler dans cet espace dit libre. Donc, officiellement, commençons par le commencement. Est-ce que aujourd'hui, quand vous passez d'un pays à l'autre, vous avez ou pas des visas pour les individus? Oui. Donc, déjà, on ne peut pas parler de zone libre. Est-ce que vous l'avez pour les biens ou les services? Eh bien, la réponse est encore oui. Parce que, très souvent, le douanier que vous allez voir à la frontière, une fois sur deux, lui, les textes qui ont été signés par les chefs d'État, ce n'est pas son problème. Et donc, ça me permet de toucher le problème de la corruption. Parce que ce douanier, et ces douaniers, souvent, ils ne sont pas tous comme ça, bien sûr, une bonne partie deviennent des États dans l'État. C'est eux qui vont vous fixer le montant à payer, et pratiquement, ça ne rentre pas souvent dans la comptabilité publique de l'État. Tout ceci, je le mets dans ce que j'appelle la performance logistique. Au-delà de ça, l'infrastructure, on ne va pas y revenir, est-ce que les routes, tout ce qui est connexion en général, notamment l'Internet, il y a toute une campagne actuellement en Afrique où le coût du téléphone, de l'Internet est extrêmement cher et le service est extrêmement pauvre. Il est inacceptable aujourd'hui dans ce monde globalisé, notamment avec les BRICS ou d'autres, que nous ayons encore des coûts aussi élevés. Alors que tous les grands pays qui sont très en avance dans le domaine de l'Internet ont proposé à l'Afrique de faciliter et de faire en sorte qu'avec la compétition, les prix puissent baisser. Donc voilà encore un exemple de volonté politique qui ne fonctionne pas parce que les chefs d'État ont l'impression que si on ouvre par exemple l'Internet, alors du coup ça peut faciliter aussi les contre-pouvoirs et donc faire vaciller leur pouvoir. Parce qu'il faut dire les choses concrètement, ils ne sont pas fous ces chefs d'État, ce sont des gens qui s'organisent pour rester au pouvoir le plus longtemps possible avec tous les gens qui les entourent. Donc le système commercial de libre commerce qui est derrière doit les arranger. Et du coup, c'est plus facile de devenir un sous-traitant de quelqu'un qui est en Occident ou en Chine ou ailleurs, et de gagner la marge plutôt que de laisser du secteur privé africain très dynamique, le patronat africain très dynamique, de prendre la relève. Alors, il y a aussi des divergences, hein, notamment concernant le protocole de libre circulation des personnes et des biens, un protocole qui effraie les pays les plus protectionnistes, François Dingue. Est-ce que la tendance, elle est au protectionnisme sur le continent, dans un contexte international, on le sait, compliqué avec la guerre en Ukraine, et les problèmes liés à l'approvisionnement aussi de denrées de première nécessité, l'inflation également? Le protectionnisme, c'est une maladie des dirigeants africains. Et c'est incroyable que nous sommes, tous les dirigeants africains vous diront « Oh, le congrès de Berlin, la conférence de Berlin nous a divisés, c'est très très regrettable, vraiment, on va accuser les Européens. » Mais dans la pratique, ils s'accommodent très bien de cette conférence de Berlin, puisque dès 1963, à la création de l'Union africaine, la première mesure qu'ils ont prise, c'était le principe d'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Et puis la deuxième chose, c'est on ne se mêle pas des choses. Donc, eux-mêmes, ils ont accepté les murs érigés par les Européens et n'ont pas fait un effort considérable jusqu'ici pour abattre ces murs et, comme disait le docteur Amaïs tout à l'heure, pour laisser qu'il y ait la libre circulation. Ceci dit, il y a des différences de régions. Par exemple, l'Afrique de l'Ouest, sur le plan de la libre circulation, est beaucoup plus avancée que l'Afrique centrale. Mais en général, on ne peut pas dire que tout cela s'est très bien passé pour l'intégration. Et pourtant, les choses sont claires et les dangers sont de plus en plus éminents dans le contexte. Nous avons vu, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'expérimentation. On a expérimenté un certain modèle depuis 60 ans. On a vu où ça a abouti. La moindre des choses, si on est intelligent et qu'on veut améliorer les choses, c'est de se poser les questions. Voilà, nous avons expérimenté cela. Nous sommes sur le modèle depuis la conférence de Berlin, les frontières, nous les maintenons, etc. Qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, il y a des initiatives comme celle-là de la Zleka que je dis encore, je soutiens. Mais je vous dis que lors même de la signature, j'avais fait, moi je disais qu'ils avaient mis la charrue avant les bœufs. Parce que, en réalité, il faut d'abord mettre les conditions pour qu'il y ait un véritable commerce. Par exemple, parmi les 5 conditions que j'avais posées à l'époque, la première, c'était pour moi, il faut un droit de la concurrence. Pour qu'il y ait un marché qui fonctionne, il faut qu'il y ait un droit de la concurrence qui fonctionne. Jusqu'à aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de droit de la concurrence. Ça veut dire que rien ne peut avancer. On ne sait pas exactement de quoi et ce qu'il faut faire. Et on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Et deuxième condition, je vais terminer là. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vois que l'émission est courte. La deuxième condition pour moi, la première chose, c'est d'abord s'accorder sur une monnaie unique. Et là, ce n'est pas des vœux. Le traité, je vous dis, l'acte constitutif de l'Union africaine a été signé en juillet 2000 à Lomé. Et il y avait l'article sur les institutions financières dans la Banque centrale. Donc, ce n'est pas un vœu, c'est une décision qui a déjà été prise depuis 23 ans. On se demande si les dirigeants africains accordent de la valeur à leur signature. Vous ne pouvez pas signer quelque chose qui devait instituer la monnaie unique depuis 23 ans. Et aujourd'hui, on n'a pas avancé d'un seul iota. Alors, on n'a pas avancé d'un seul iota, vous dites, mais c'est vrai qu'il y a un agenda que vous avez cité tout à l'heure, docteur Amaïs, c'est l'agenda 2063, hein, de l'Union africaine. Donc, on a encore quelques décennies peut-être pour y arriver. Mais sur le commerce intra-africain, la faiblesse du commerce intra-africain, c'est 15% des échanges, alors que le commerce intra-européen, je crois que c'est aux alentours de 60%. Cette faiblesse du commerce intra-africain, est-ce que c'est un frein ou un défi, justement, pour la ZLECAF? C'est un constat que les politiques qui ont été menées jusqu'ici n'ont pas permis, justement, d'avancer. Alors, quel est le constat? C'est que le cerveau de ce dirigeant africain reste dans le commerce. Le problème n'est pas le commerce. Le problème est de produire local, transformer local pour une population locale. Et l'excédent, on l'exporte vers le voisin et peut-être plus loin. À partir du moment où cette conception de produire local pour le local n'est pas ancrée et que c'est plus facile et plus rapide, notamment pour la corruption, d'aller chercher à l'extérieur les surplus et envahir le marché africain en mettant des taxes. Je dis bien en mettant des taxes, parce qu'il s'agit d'une zone de libre-échange, en mettant des taxes. Et sur ces taxes, de pouvoir en vivre en tant qu'État, alors le dirigeant, les dirigeants, sont dans une contradiction. Et ça, ça suppose qu'ils laissent la diaspora, ou les experts de la diaspora, comme les experts africains, de manière indépendante, expliquer cet état de fait. Malheureusement, nous sommes aussi aujourd'hui le jour de la liberté des médias et de l'expression, cette liberté n'existe pas, parce que si elle existait, je ne pense pas que nous aurons encore ce débat aujourd'hui. Au contraire, nous serons en train de chercher des solutions, et il y en a beaucoup. Je veux revenir très rapidement sur le problème de la monnaie, qu'a soulevé François, c'est très important. La monnaie aussi, s'il y a dévaluation demain matin dans la zone franc, 50% sont perdus. Alors, je voudrais juste qu'on regarde ces chiffres qui représentatifs justement du potentiel de la ZLECAF, qui doit réunir 1,3 milliard de personnes et ainsi devenir le plus grand marché mondial avec un PIB combiné de 3,4 milliards de dollars selon l'ONU. La ZLECAF, c'est donc le plus grand marché mondial. Mais à qui ce marché mondial va profiter, professeur Dengue? C'est pas seulement le plus grand marché mondial. Moi, je dis que l'Afrique, c'est la région qui a vocation à être la région la plus riche du monde. Les Africains ont vocation à être les plus riches, la terre de la prospérité. Et si on n'en est pas encore là, c'est la faute des dirigeants et des systèmes économiques qui existent. La terre africaine est sans doute, je suis modeste là-dessus, la terre la plus riche qui soit. Il y a tout ce qu'il faut. Je fais souvent la comparaison entre l'Afrique et la Russie. La Russie, la population de la Russie, c'est 60 millions de moins que la population du Nigeria seul. Donc, la Russie n'a pas toute l'étendue ni les ressources. Donc, si la Russie seule arrive à tenir, imaginez l'Afrique avec un marché qui sera de 2 milliards, de plus de 2 milliards 3 en 2050, et un marché qui a une population jeune. Le potentiel africain est presque infini. Mais justement, professeur Dengue, est-ce que les futurs gagnants de la ZLECAF, ce ne seraient pas les firmes internationales, multinationales, qui sont très compétitives, déjà dominantes même sur les marchés africains actuellement? Évidemment, si les choses vont comme on a dit, votre question est très très importante. Parce que non seulement ce seront les étrangers, ce seront les Chinois, ce seront les entreprises européennes, les américaines, et le plus grave, c'est que des pays africains signent des accords de libre-échange avec des pays non africains ou des entités non africaines comme l'Union européenne. Ça veut dire que ces produits peuvent, si l'Afrique est un marché, mettons-nous dans le cas où l'Afrique est déjà un marché, si les entités extérieures arrivent à entrer dans l'un des pays avec lesquels elles ont signé un accord de libre-échange, ça veut dire que le pays qui a signé l'accord de libre-échange devient une porte d'entrée pour tout le marché africain. Et donc, les Africains et les producteurs africains ne gagneront pas, les commerçants africains ne gagneront pas. Je voudrais terminer pour dire une chose très, très importante qui m'a quand même inquiété. Le secrétaire général, M. Wangoli Mene, a récemment déclaré le 24 avril qu'il est conscient de la perspective que la monnaie unique était un projet important. Et lui-même a dit qu'il est presque impossible que le projet de la ZLECA se réalise sans qu'il y ait cette monnaie unique. Mais l'ennui, c'est qu'il dit qu'il y a trop d'obstacles au point où il ne voit pas la réalisation de cette monnaie unique. Ça veut dire que concrètement, les dirigeants de la ZLECA sont dans le flou et c'est dommage pour l'Afrique parce que c'est un outil important pour le développement économique de l'Afrique dans les années futures, étant donné la compétition qui sera terrible et qui arrive. Et les Africains, moi, je vois toujours qu'il y a trois solutions en Afrique pour le développement. La première chose, pour terminer, puisqu'on n'a plus trop le temps, pour terminer, docteur Amezo, le professeur Dengue soulignait que plusieurs pays africains, c'est vrai, ont signé des accords de libre-échange avec des pays non africains. C'est le cas de Maurice qui a signé un accord avec la Chine. On peut citer également les accords de Cotonou aussi, entre les pays pays africains et l'Union européenne, et puis la loi aussi AGOA, la loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique, qui constitue des accords entre les États-Unis et certains pays africains. Finalement, est-ce que ce ne sont pas les pays, les partenaires qui convoitent le continent, qui ne vont pas tirer profit, qui vont tirer profit de cette future SLECAF? Tout à fait. En fait, il faut mettre un sens. Les accords que vous avez cités, ce sont des gens de l'extérieur en Afrique qui les préparent et qui les font signer aux Africains. Et d'ailleurs, dans le cas des accords de Lomé et de Cotonou, si vous faites le bilan sur presque 40 années, rien n'a progressé au niveau industriel, rien n'a progressé au niveau du commerce entre l'Europe et l'Union européenne et l'Afrique en termes de progression pour l'Afrique. Dans tous les domaines, on n'a pas le temps de parler dans le détail actuellement. Dans cette zone de libre-échange, elles sont des accaparements d'espace. Et puis, il faut aller très loin derrière, parce que derrière l'histoire de la monnaie commune ou unique, il y a un autre problème, c'est l'endettement. On n'en a pas parlé. Et le chiffre que vous avez donné sur les Nations Unies, moi, je le conteste. Vous ne pouvez pas parler d'un grand marché si vous ne parlez pas aussi de la capacité, ce qu'on appelle le pouvoir d'achat des Africains. Où est-ce qu'il est, ce pouvoir d'achat des Africains qui sont une grande population, qui sont un grand marché? Quel marché est-il pour des gens qui sont pauvres à 60-70% et qui vivent encore dans les zones rurales sans connexion Internet? C'est de ça qu'il s'agit. Donc l'ONU devrait améliorer la présentation de ces chiffres. On n'est pas seulement un marché, on est aussi des gens qui finalement vont s'embêter parce qu'on n'a pas ce pouvoir d'achat et qui demain vont perdre la propriété de ce que nous avons. Et puis il ne faut pas laisser seulement les États fonctionner, il y a les multinationales et les transnationales qui, dans le cadre des programmes d'ajustement, quelles qu'elles soient, justement profitent des privatisations pour des 1 ou 2 euros symboliques pour récupérer des pans entiers de ce qu'on appelle, nous, les capacités productives africaines, dont tout ce qui est logistique, les ports, entre autres. Donc, tous ces éléments, en fait, l'Afrique est en train, les chefs d'État, sans le savoir, avec cette zone de libre-échange, sont en fait d'annexer une grande partie de cette Afrique à des étrangers dont ils vont souffrir demain. On le voit dans le secteur bancaire, on le voit dans le secteur informatique, et notamment avec tous les gens qui sont en train de contrôler l'Internet et notamment la téléphonie mobile en Afrique. Et demain, ça va être des espaces jusqu'au territoire, parce que les sols sont en train d'être vendus officiellement pour faire de l'agriculture et officieusement pour réexporter vers l'Occident les terres rares ou les métaux rares. Merci beaucoup à vous. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous, docteur Ameizo, et merci également à vous, professeur Dangoué, pour votre participation. Merci à vous. Merci. Afrique Média, le monde, c'est nous.